Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 45e épisode de Geekorama. Mon nom est Dominique Jean et je suis de retour en solo pour cet épisode-ci. Vous vous souvenez sûrement de l'album Street Fighter X Mega Man par A-Rival. Ben, c'est le même artiste, sauf que là, c'est un autre de ses albums qui s'appelle Truth Canon. Et ça, Truth Canon, c'est vraiment awesome parce que c'est un site, je l'avais écouté une fois, j'avais trouvé ça bien cool, mais j'ai commencé à le réécouter récemment, puis je l'aime encore plus qu'avant. C'est vraiment excellent. Fait que je vais vous envoyer ça, drette là, avec le bloc numéro 1. On a Truth Canon, Wandering et Venus. Bonne écoute. Thank you. We'll be right back. Et pour le bloc numéro 2, ben, on y va avec OMF, OMF 2 et Dead. We'll be right back. Hey, pour le bloc numéro 3, eh bien, on a, fuck, je me suis trompé de piton. Serious Danger, Phoenix et Ready. You are entering the world of chaos. The end of your life draws near. Map, time has come. We've known the price, know where to run, where were our goodbyes. What we wouldn't give to never know this truth. But now that I'm here, I'm ready to join, I'm ready to join you. Et voilà, c'est ce qui conclut le 45e épisode de Geekorama. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est pas un épisode très très long, mais vraiment qui, moi je trouve vraiment awesome. Disons que cet album-là, je l'aime pratiquement au complet, je dirais, parce que c'est rare dans mon cas que j'aime toutes les tunes d'un album. Ça dépend, t'sais, il y a toujours une tune un peu plus mollo, t'sais, puis je l'écoute une fois, après ça, ben, t'sais, je passe à autre chose. Mais sinon, non, celui-là, je l'adore. Surtout Dead, puis Serious Danger, là, c'est vraiment mes préférés. Je les écoute souvent, puis je me tanne pas. L'album est disponible sur Bandcamp. Je pense que c'est 5$ US. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, parce que c'est vraiment de la bombe. Puis après ça, si vous voulez suivre le podcast, on est sur Facebook, Twitter. On a Instagram aussi. Après ça, si vous voulez m'acheter sur Non, c'est pas vrai. Ouais, Bandcamp, ben mon nom sur Bandcamp, c'est Painkiller. Pain comme Max Payne, en un mot. Après ça, également, ouais, Steam, c'est la même chose. Painkiller aussi. Et PSN, c'est Moby the Whale, en un mot aussi. Ma photo, c'est une photo de Crozer dans Resident Evil 4. Fait que, sur ce, passez une excellente journée. Au revoir.